Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, les frères Nadar, aventuriers de la photographie. Les visages de ces gloires du 19e siècle nous sont devenus familiers. Victor Hugo, vieux sage à barbe blanche, George Sand, impérial, Sarah Bernhardt, vibrante tragédienne, Baudelaire, regard intense, pris sur le vif, Gérard de Nerval, immortalisé quelques jours avant son suicide. Ces visages et bien d'autres, connus ou moins connus, s'ils font partie aujourd'hui de notre mémoire, c'est parce qu'un jour, ces hommes et ces femmes ont posé devant l'objectif, bienveillant et malicieux, de Félix et Adrien Tournachon, alias Nadar, profession photographe. Ce qu'on connaît moins, c'est l'étonnante trajectoire de ces deux frères, tombés un peu par hasard en 1854 dans la photographie, une technique toute récente que chacun à sa manière, ils vont hisser au rang de l'art. Adrien, le petit frère qui se rêvait peintre, toute sa vie il peinera à trouver sa place à côté de Félix. Félix, le rouquin dégingandé et blagueur, touche à tout de génie, passionné d'innovation et ami fidèle. C'est donc l'histoire des frères Nadar que je vais raconter ce soir, l'histoire de deux hommes qui, au XIXe siècle, ont révolutionné le regard sur le monde. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Stéphanie de Saint-Marc, bonsoir. Bonsoir, Stéphanie Duncan. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2, écrivain, auteur d'une biographie de Félix Nadar. Vous êtes juriste, il me semble. Bon, ça n'aurait certainement pas surpris Nadar qui fait tous les métiers. Mais par quel biais êtes-vous arrivé à vous intéresser à lui? Écoutez, c'est une drôle de question. Je ne vais pas y répondre en détail parce que je pourrais y passer un très long temps. Simplement, disons que je suis juriste par atavisme, mais j'ai également d'autres intérêts. Et que la période me passionnait, que les personnages que Nadar a photographiés m'étaient pour la plupart extrêmement proches. Je suis tombée sur lui comme on rencontre quelqu'un dans la rue, si vous voulez. C'est vrai qu'il est très séduisant, très charmant, très drôle. L'idée de passer plusieurs années avec lui pour écrire sa biographie m'a tout de suite séduite. C'était à la fois quelqu'un de gai, de passionnant et comme ça d'une grande richesse par la multiplicité de ses centres d'intérêt. Alors, avant de raconter justement cette histoire, pourriez-vous nous dire, Stéphanie de Saint-Marc, qu'est-ce que c'était la photographie donc en 1853, quand Félix Tournachon justement commence à s'y intéresser de près? Félix Tournachon donc était son vrai nom et il va prendre ce nom de Nadar. C'est ça. La photographie n'est pas née depuis très longtemps puisque l'apparition officielle de la photographie c'est 1839 en France avec le daguerréotype. Mais c'est vrai qu'un grand pas a déjà été franchi entre 1839 et 1853-1854. Oui, ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est-à-dire que le daguerréotype c'est quand même très très lourd. Les temps de pose sont très très longs. L'épreuve est unique. Donc autant de choses qui sont quand même assez loin de la photographie qu'on a connue plus tard. Pas de reproduction donc pas possible. Non, c'est ça, voilà, un exemplaire unique. Et donc ça c'était en France le daguerréotype, et c'est vrai qu'en Angleterre il y avait ce qu'on appelle le calotype avec un négatif papier, qui avait des intérêts complémentaires, c'est-à-dire il y avait une possibilité de faire plusieurs exemplaires, mais évidemment c'était beaucoup moins précis que le daguerréotype. Jusqu'à ce qu'on invente le négatif sur verre, qui allie finalement les avantages des deux techniques. C'est-à-dire que c'est aussi net que le daguerréotype et on peut le dupliquer comme le calotype. Et donc ça va intéresser les gens, bien sûr. Ça va beaucoup, et puis si vous voulez, ça va développer la duplication de la photographie, c'est quand même intrinsèque de cette technique. Et donc, dès qu'on a le négatif sur verre, la photographie peut exploser et Nadar arrive à peu près à ce moment-là. L'invention intéresse des artistes ou plutôt des financiers, des commerçants? Écoutez, à cette époque-là, on n'est pas encore à l'explosion de la photographie comme une industrie. Je dirais qu'on est vraiment à un âge d'or. Tout reste à découvrir, si vous voulez. Et donc, il y a en effet des peintres qui se mettent à la photographie et d'autres, notamment, qui viennent de la caricature, comme Nadar. Alors justement, qui est Félix Tournachon, alias Nadar, à ce moment-là? D'où vient-il, ce monsieur Nadar? Alors Nadar, son nom de Tournachon est originaire de Lyon. Il est né à Paris, mais il a des origines lyonnaises très fortes. Et il est remonté à Paris vers l'âge de 17 ans, parce qu'il avait fait un retour à l'occasion de la mort de son père. Et donc Nadar, à cette époque-là, est une grande figure de la bohème. Il a, à son retour de Lyon à Paris, pendant 10-15 ans, il a fait vraiment je dirais, le tour de la bohème. Qu'est-ce que c'est la bohème? Alors, la bohème, à cette époque-là, c'était un terme un peu large, mais c'est la bohème d'Henri Murger, mais c'est aussi pas très loin de Baudelaire, même si on regarde dans le détail, ce sont des cercles différents, mais tout ça, ce sont les hommes de lettres et les artistes. C'est des gens assez jeunes. Des gens jeunes. Qui réussissent pas encore très bien, qui sont un peu en devenir, qui mangent un peu de la vache enragée. Ouais, voilà. Qui mangent pas toujours à leur faim. Et Nadar a vécu cela. Donc, en effet, ce sont des gens pauvres qui sont... essaient de s'intégrer dans la société, qui essaient de vivre de leur travail, surtout qui essaient de vivre de leur art, enfin qui essaient de vivre de leur écriture, de leur peinture. Pour beaucoup, du talent d'ailleurs. Oui, voilà. Enfin, alors après, plus ou moins. En tout cas, il y a effectivement cette difficulté à s'introduire et à pouvoir vivre de ce qu'on aime. Enfin, de ce. Il y a une dimension politique aussi. Oui. Ils sont souvent républicains. Oui, ils ont effectivement une sorte de défiance vis-à-vis de l'ordre établi. Et Félix Nadar, d'ailleurs, est considéré comme un rouge. C'est un rouge, oui, c'est un rouge, avec comme un ses R cheveux majuscule. Et sa et sa vareuse l'indique bien, il est tout rouge. Et pendant la Révolution de 1848, il fait un truc assez hallucinant, donc la Révolution de 1848 qui voit le renversement de la monarchie, la proclamation de la République. Il s'engage dans un truc un peu étonnant, il marche vers la Pologne pour soutenir l'insurrection polonaise contre la Russie. Oui, c'est ça. Alors, c'est une aventure un peu qui tournera court assez vite, mais en tout cas, ça montre assez bien le temps à la fois chevaleresque et aventureux de Nadar. Voilà, il part avec son frère d'ailleurs. Il part à pied, délivrer la Pologne. Enfin, rien de moins que délivrer la Pologne du joug russe, mais malheureusement, ils vont se casser les dents sur la frontière franco-allemande. Ouais, il va revenir à Paris. Ouais. Adrien, lui, c'est le petit frère qui, en fait, a été un peu oublié derrière justement cette ombre un peu envahissante du grand frère. Ouais. Mais c'est aussi un artiste qui va participer à la grande aventure des Nadar. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que il est forcément dans l'ombre de son frère qui est très. Baudelaire disait que Nadar avait les viscères en double. Ça me paraît assez. Enfin, j'aime beaucoup c'est cette original. Expression. Et c'est vrai que voilà, il prenait beaucoup de place. Donc Adrien était dans l'ombre de son frère, c'est incontestable. Mais c'est vrai aussi qu'il a déployé un talent très grand et assez personnel dans la photographie. En étant toujours un peu dans des relations difficiles avec Félix. On va en parler dans un instant. Nous allons donc rencontrer Félix et Adrien Nadar en 1854, au moment où ils vont se lancer dans la photographie. Stéphanie de Saint-Marc, on reprend cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, les frères Nadar, aventuriers de la photographie, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Pascal Deux. Napoléon III, ce Minus, en interdisant les caricatures d'hommes politiques, il me fout dans la mélasse. Empereur pour rire, oui. Despote. Il me prive de mon gagne-pain et m'oblige à changer de cap. Je continue à dessiner au moins, mais fini les ministres et les députés. Les célébrités du monde des arts, ce sera moins compromettant. Des hommes de lettres, des peintres, des comédiennes. Les gens sont curieux de connaître la tête de ceux qu'ils admirent ou détestent. Je vais croquer des centaines de caricatures et les publier sur une immense frise en quatre feuillets. Ça devrait plaire. Mais quel boulot! Heureusement, il y a une nouvelle invention, la photographie. Je vais te les mettre vite fait sur daguerreotype, moi, tous ces écrivains, compositeurs et autres. Pas très artistique, je sais, mais pratique. Ça va me permettre de récupérer leurs binettes pour les caricaturer. La technique au service de mon crayon. Il faut bien vivre. En 1853, alors que Napoléon III a décidé de museler la presse et d'interdire la caricature politique, Félix Tournachon, qui a pratiqué tous les métiers, doit une fois de plus changer d'activité. À cette date, Félix Tournachon ne porte déjà plus depuis un moment le nom que lui a légué son père. La racaille qu'il fréquentait dans sa jeunesse utilisait un langage codé en ajoutant des terminaisons fantaisistes comme « d'art » à tous les mots. Ainsi, Tournachon est devenu Tournachon d'art, puis Tournadar et enfin Nadar. Félix Nadar, donc, se lance dans un projet monumental, une farandole de caricatures, un vrai panthéon à ses yeux. Le premier feuillet représentant pas moins de 249 écrivains, dont la plupart sont ses amis, vient de paraître. À côté de ce projet colossal, Nadar a un souci de taille, familial celui-là. sa mère lui demande instamment de prendre en charge son jeune frère cadet, Adrien, qui revient d'un voyage d'études de la peinture en Grande-Bretagne, mais n'a aucune perspective de travail. Alors, l'Écosse. Des paysages grandioses qui donnent aux Écossais un caractère difficile à vivre. Les filles marchent pieds nus été comme hiver, mais elles sont faciles à avoir. Et donc, à parcourir les Écossaises, tu as fait quoi ? Pas grand-chose, deux ou trois toiles, des petits formats pour pouvoir voyager. Maigre moisson pour tout un été. Écoute, Adrien, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Mère s'inquiète qu'à 28 ans, ta situation ne soit pas stable. Moi, je ne te demande pas de renoncer à la peinture. Encore heureux ? Je sais ce que c'est d'être artiste. La bohème et tout le folklore, j'ai connu. Mais j'ai quelque chose à te proposer. Une situation qui te permettra de bien gagner ta vie tout en continuant à peindre. Allons bon, et à quoi tu penses ? Photographe. Photographe ? Oui. Depuis quelque temps, les boutiques pullulent sur les grands boulevards. Tous les bourgeois veulent leur portrait photographique. Même les aristos se détournent de la peinture et des poses fastidieuses. Je ne vais pas faire ça. N'importe quel imbécile peut prendre une photo après avoir hurlé « Ne bougez plus !» Mais justement, ça va bouger. La photographie progresse de jour en jour. J'ai récupéré du matériel de Daguerre pour photographier mes célébrités et déjà, je l'ai modifié. La photographie a presque 20 ans. Un bel âge pour lui compter fleurette, non ? Et avec ta formation de peintre, ta sensibilité, tu pourras l'amener vers autre chose. Je vais plutôt gâcher mon talent, oui. En plus, entre la pose et le tirage, mes journées vont y passer. Oh, mais quel flemmard ! C'est un boulot magnifique que je te propose. Tu n'as qu'à le faire toi si c'est si génial. Oh, mais je t'assure que vraiment... De quoi tu m'assures ? Tu as le don de m'entraîner dans des histoires foireuses. Tu fonces toujours tête baissée, comme quand on est parti en guerre pour sauver la Pologne. Oh, ça va, hein. On n'avait pas dépassé la frontière que tu t'es retrouvé à travailler dans une mine. Et alors ? C'était l'aventure. Et moi, tes aventures. Un jour, tu es espion, le lendemain, romancier, le surlendemain, que sais-je. Moi, je n'ai pas ton tournis. Écoute, j'ai un ami, Gustave Legret, un grand photographe artistique. Tu entends ? Artistique. Il est prêt à te donner des leçons pour te mettre le pied à l'étrier. Non, merci. Ça va me coûter une fortune. Oh, non, il me les fait à moitié prix. Et tu pourras continuer la peinture. Qu'est-ce que tu crains ? De me lancer tout seul, comme ça, sans moyens. Et puis, si ça se trouve, demain, les gens vont se détourner de la photographie. Des inventions qui périclitent, on en voit. Et moi, je serai là comme une courge avec ma boutique vide. Et si, dans un premier temps, je te soutenais financièrement ? Tu investirais sur moi ? Oui. J'ai confiance. Oui. Pourquoi pas ? Tournachon. Adrien Tournachon. Pas génial comme enseigne, non ? Je vais mettre des années à me faire un nom. Qu'est-ce que tu proposes ? Et si tu me prêtais le tien ? Les Nadars. Ça a de la gueule et déjà tout paraît connu. Nadar, c'est moi. C'est mon panthéon. Juste pour mes débuts. Allez, qu'est-ce que tu risques à me le prêter ? Bon, si j'accepte, tu t'installeras ? Avec ce nom et ton soutien financier, j'y vais. À la bonne heure. À notre arrivée, tu iras annoncer la bonne nouvelle à mère. Contre toute attente, Adrien maîtrise rapidement la technique photographique, au point que son frère, qui jusqu'alors ne voyait dans la photographie qu'un outil de travail pour ses dessins, se met à s'y intéresser de plus près, avec l'entêtement qu'on lui connaît. Dès l'année suivante, en 1854, Nadar installe un laboratoire dans le jardin de sa maison parisienne. Là, grâce à la lumière naturelle, il s'essaye au nouveau procédé du négatif au collodion sur verre. Ses premiers portraits ne sont encore qu'une façon de simplifier la création de ses caricatures. Mais son panthéon, qui lui a offert une immense renommée, se vend difficilement. Et Nadar commence à songer à abandonner le dessin. La photographie se révèle beaucoup plus intéressante pour assouvir sa curiosité de l'être humain. Félix ! Ah ! Adrien, tu tombes bien, viens m'aider. Tu fais quoi ? J'essaye d'améliorer le négatif sur verre parce que c'est exactement le procédé qu'il faut pour les portraits. Rapidité et précision, regarde. J'ai travaillé sur la façon de mettre la couche de collodion sur la plaque de verre. Tu ne peux pas faire comme tout le monde et la laisser couler ? Non, c'est trop visqueux, capricieux. Je veux une couche uniforme pour un meilleur résultat. Vas-y, aide-moi. Verse le collodion dans la cuvette. Alors, Je le verse comme ça? Oui, vas-y. N'aie pas peur. Mais il va y en avoir trop. Pas grave, regarde. J'ai mis un robinet là pour permettre à l'excédent de s'écouler. C'est génial. Il m'en faut un pour mon atelier. Comment vont les affaires? Bien. Elles vont bien. D'ailleurs, je n'ai plus besoin de ton aide financière. Tu en es sûr? Oui. En plus, Mère m'a laissé entendre que tes finances ne sont pas glorieuses. Ton panthéon te coûte plus qu'il ne te rapporte. Ne renverse pas la situation. Je m'en sors toujours. Et par la même occasion, tu vas aussi me rendre mon nom. Quoi? Bah, si tu n'as plus besoin de moi, je reprends mon nom. Ah non, tu ne peux pas. Bah comment ça? Tu as démarré au galop grâce à lui. Il t'a fait une bonne publicité pour pas cher. Maintenant, tu me le rends. Mais je... C'est comme ça, Adrien. Il n'y a qu'un Nadar. Et c'est moi. Et si je veux me lancer dans la photographie, il faudra bien que les gens nous distinguent. Le dernier recours d'Adrien, c'est leur mère. Elle réussit à faire accepter à l'aîné qu'Adrien puisse garder le nom de Nadar en y accolant le mot « jeune ». Mais Adrien a été trop confiant. Même sous le nom de Nadar jeune, au bout de quelques mois, son affaire est endettée. Sur les boulevards, ses confrères lui font une rude concurrence. Avec leur portrait à bas prix en format carte de visite, ils raflent toute la clientèle. Et le fonctionnement de l'atelier avec tout ce personnel est un gouffre financier. Il revient donc à nouveau demander de l'aide à son frère. Cette fois, Félix ne se contente pas de financer, il veut participer et se retrouve même très vite à diriger l'atelier. La lumière du soleil est parfaite ce matin. On va faire des autoportraits. Autant montrer quel genre de photos on veut faire en commençant par nous-mêmes. Je prends les plaques. On va leur montrer à tous ces photographes nullards ce que c'est qu'un portrait signé Nadar. Ce sera autre chose que leur minuscule portrait à la noix avec leurs colonnes romaines et les poses coincées du... Mais c'est quoi ce costume? Bah quoi? Je suis pas beau comme ça? Mais pourquoi tu t'es déguisé? Tu crois que Félix Nadar va se photographier en costume de ville? Discret? Mais franchement, Félix, tu exagères. Ta redingote rouge sang a sorti à ta tignasse rousse. On peut pas dire que ce soit discret. De toute façon, tu vas le montrer comment, le rouge? Tu fais de la photographie couleur, toi? Non, bien sûr, mais... En attendant, je poserai dans cette tenue. D'où vient-elle? Un habit d'Esquimau. C'est magnifique, non? Voilà comment tous ces messieurs-dames me verront. Il faut en finir avec l'amorosité. La photo, c'est la vie. La vie, tu parles. Hier soir, tu n'es pas allé photographier le père Gustave sur son lit de mort? Eh bien oui, mais même celles-là, on doit essayer de les rendre belles. Et pas macabres, comme le font nos concurrents avec leur mort fixée à tout jamais dans des lumières lugubres. Dis-moi, quand tu rends visite aux familles endeuillées... Tu y vas déguiser en Esquimau? Crétin. Allez, on commence par toi. Le fond te convient? Tu veux te mettre dans quelle position? Je me mets comme ça. Assis, calme. Je voudrais que tu rapproches l'appareil. D'accord, mais c'est pas facile. Attends-moi. Oh, c'est lourd ton jeu. Tu as besoin d'aide? Non, je crois que j'y arrive. C'est bon comme ça. Ça va? Non, plus proche. Mais j'aurais que ton visage, à peine tes épaules. C'est ce que je veux. Bah, c'est nouveau, ça. Encadrer un visage si près. On invente. On cherche, non? Et puis, je vais mettre ce chapeau. Mais qu'est-ce que tu fais? Enlève ce galurin. Les bords sont trop larges. Il couvre ton front et l'ombre masque tes yeux. Et tu veux qu'on se distingue des autres? Eh bien, c'est comme ça que je me vois. Ombre et lumière, comme les grands peintres. Pas un portrait du tout venant. Un portrait artistique. Tu sais quoi? On va hisser la photographie au rang des beaux-arts. T'y vas fort. Attends, je m'allume un clope. C'est bon, là? Tu as mes yeux? Lève un peu la tête. Ah, j'ai juste un bandeau de lumière sous ton nez. Le reste est dans l'ombre. C'est parfait. Oh non, on me rajoute pas de la fumée en plus. On verra plus rien. Oh, attends, je fixe la plaque. Mais t'as besoin de te couvrir la moitié de la figure avec ta main. Et tu vas garder ton clope au bec? Oui. C'est moi. Ça, c'est moi. Bon, alors ne bouge plus. Je compte les 20 secondes. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, Adrien s'est remis au travail. Le loyer de l'atelier, le personnel sont payés. C'est une affaire qui marche. Je dois voir plus grand. Des portraits plus grands. Mais comment faire ? La seule solution pour l'instant, c'est d'agrandir les chambres pour tirer des grands formats. Mais ce n'est pas pratique. Je dois réfléchir à une technique d'agrandissement. Que j'invente encore. Et puis aussi, il faut que l'on se fasse connaître davantage. Les gens sont tout excités en ce moment. Une gaieté s'est emparée de Paris. Ça danse. Les théâtres brillent. Nous devons participer à cette effervescence. Il nous faut une réputation. Une légende. Et si je... Oui ! Je pourrais demander à mes connaissances du Panthéon de venir poser gratuitement chez nous. Quelle publicité ! Par amitié pour moi, elles le feront. Enfin, j'espère. Eh bien, Nadar, on ne salue plus les amis ? Mmh. Oh ! Dumas ! Dumas, quelle joie de te voir, très cher maître. Et alors ? Je suis devenu invisible ? Ah, pour rater le grand, que dis-je ? L'immense Alexandre Dumas, il faut vraiment que je sois dans la lune. À quoi réfléchissais-tu, diable d'homme ? À des améliorations pour mon matériel photographique. Ah oui, on m'a dit que tu avais abandonné ton Panthéon pour ce commerce. Dumas, tu me vexes. Non, je te taquine. Aurais-tu perdu ton humour en devenant boutiquier ? Et le révolté, le républicain que j'ai connu, il n'a pas disparu au moins. Il est là, cher sommité, devant toi. Attention ! Avec tous ces gravats des immeubles que l'on détruit, on risque sa peau à tous les coins de rue. Eh non, grâce à Haussmann, nous aurons de belles et larges avenues. En attendant, c'est l'apocalypse. Dis-moi, sais-tu que tes critiques de théâtre me manquent ? Oh, fini tout ça. Mais je te lis toujours avec passion. Je ne manque pas ton feuilleton Les Mohicans à Paris. Et cette pièce, alors que nous devions écrire ensemble ? La photographie me bouffe tout mon temps. Et d'ailleurs, je me demandais, ne voudrais-tu pas... Ah, ça y est, nous y voilà, je l'attendais celle-là. Connais-tu l'histoire qui court sur toi ? Non. Si vous êtes célèbre et que vous rencontrez Nadar, la première fois, il vous tutoie aussitôt. Jure que vous êtes son meilleur ami, vous attrape la main, ne la lâche que lorsque vous êtes installé devant son appareil photographique et le lendemain, votre portrait est dans tout Paris ! Oh, la calomnie ! Et pourtant, c'est... Véridique ! Bon alors, quand veux-tu que l'on fasse cela ? Bah, tu es libre maintenant ? La lumière est parfaite pour une séance de pause. Eh bien, je... Je dois te prendre la main. Migo. Je croyais ton atelier sur les boulevards. Eh bien, je n'y suis plus. Adrien ne supportait plus de m'avoir dans ses pattes. Figure-toi qu'il m'a mis à la porte de son établissement, alors que c'est moi qui ai remboursé ses dettes avec la dot de ma femme. En plus, il a gardé mon nom. Alors, je suis retourné dans l'atelier que j'ai fait chez moi, rue Saint-Lazare. Les histoires de famille, de quoi faire des monceaux de romans. En plus, il a du succès, ce salopio. Dis-moi. Quelque chose te retient ? On est bien d'accord. L'autorisation que je t'avais donnée n'était valable que pour les caricatures. Quelle autorisation ? De quoi parles-tu ? J'autorise mon ami Nadar à me faire aussi laid que possible, la différence devant être à mon profit. Ne t'inquiète pas, je vais te faire beau comme un astre. Mais on va bien voir. Ce cliché de l'auteur des Trois Mousquetaires, les cheveux ébouriffés, les mains posées sur le pommeau de sa canne, Nadar le tire en plusieurs exemplaires sur papier salé pour pouvoir le diffuser. L'expression d'Alexandre Dumas, confiante et amusée, laisse percevoir la sympathie unissant l'artiste et le sujet. Cette proximité avec le modèle devient la signature de Nadar. Ce qu'il traquait à travers ses caricatures, il le fixe à présent de façon instantanée en révélant la personnalité de son modèle. Monsieur Baudelaire. Monsieur Dumas. Baudelaire, en plein jour dans un café l'œil vif. Incroyable. Dumas en liberté, pas enchaîné à sa table, à gratter du papier au kilomètre. Viens, joins-toi à moi. Je déguste un petit vin de Cahors gouléant à souhait. Volontiers. Garçon, un verre pour Monsieur Baudelaire. Tu sais que j'ai parlé de toi il n'y a pas deux jours. À qui ? notre ami Nadar. Oh, Nadar. Il est perdu. Allons, Baudelaire. Oh, souviens-toi, il y a 10 ans, il tirait la langue sous la pluie et c'était pour lui la meilleure des boissons. Ah, il aimait l'art, le progrès et la démocratie. Le voilà qui aujourd'hui vante la photographie. Mais alors, tu sembles dégoûté. Qu'est-ce que tu as contre cette merveilleuse technique ? Que c'est justement une technique. C'est la fin du sacré. Moi, je ne crois qu'à la nature. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Eh bien, justement, tu devrais être content avec la photographie. Pas du tout. Ce n'est pas parce que cette industrie nous donne un résultat identique à la nature qu'elle est pour autant l'art absolu. Mais enfin, tout de même, la technique permet d'exercer le vœu du plus grand nombre, une garantie totale d'exactitude. C'est donc de l'art. Mais non, Dumas, c'est de l'idolâtrie. Elle privilégie l'imitation au lieu de faire appel à l'imagination. L'image triviale va remplacer la divine peinture. Ah, que tu es sévère. Le progrès et la poésie se haïssent de tout temps. Tu devrais tout de même voir ce qu'est un portrait de Nadar. Pour y voir tous mes défauts ? Rides, verrues, cheveux dégarnis, les traits durs ? Non, je t'assure, Nadar ne fait pas ce genre de portrait. Bon, alors il les retouche de sa main de caricaturiste ? Non ! Il te met en confiance. Il discute avec toi comme il aime le faire à bâton rompu. Et c'est toute sa sympathie qu'il exprime quand il ouvre l'obturateur. Tu vois, il cherche ta beauté intérieure sur ton visage, en graduant et modelant la lumière. L'expérience a l'air de t'avoir plu. Ne trouves-tu pas incroyable de réussir à fixer une conversation entre amis, dans un présent perpétuel à l'abri du temps ? Et puis, disons que je ne suis pas mécontent de l'image qui restera de moi. Tu devrais y réfléchir, Larry. Oh, je vois que tu as fait honneur au vin. Veux-tu que j'en commande une autre bouteille ? Pourquoi une seule, hein ? Nous sommes deux. Garçon, une autre bouteille. Allons bon ? Adrien a encore changé son enseigne. Il faut que je m'approche sans qu'il me voie. Alors, oh la petite fiente ! Il commence à me sortir de l'entrefesse, celui-là. Nadar, écrit en énorme et jeune en abréviation. J-N-E, en ridiculement petit. Et ça, c'est quoi ? Photographe officiel de Sa Majesté l'Impératrice ? Oh, le furoncle ! Associer mon nom à la famille de Napoléon le Petit. Mes amis vont s'étrangler. Ils trouvent déjà que je me suis embourgeoisé, mais alors voilà de quoi foutre en l'air ma réputation. Mon coco, celle-là, c'est celle de trop. Tu vas y avoir droit à ton procès. Tu vas me rendre mon nom. Moi, je sais ce que c'est, la fin. Je ne suis pas resté dans le giron de maman. Je me suis fait tout seul. Et ce nom, c'est ma dignité, mon identité. Voleur. Un premier procès pour récupérer son nom a lieu le 23 avril 1856. La défense de Nadar est piètre. Il croit qu'il a juste à déclarer « c'est moi qui suis moi ». Et à cause de leur mère, il hésite à accabler Adrien. Un jugement ridicule est rendu. Nadar est Nadar et Adrien aussi. Félix fait appel. En attendant, il ne peut plus se contenter de l'atelier dans la maison familiale. Il s'installe dans un très impressionnant bâtiment haut de 3 étages. Un immense paquebot situé 35 boulevard des Capucines, dans le nouveau quartier de Paris, où la vie ne s'arrête jamais, où les pharmacies ferment après minuit, où les grands magasins apparaissent. Bientôt, tous les amis de la bohème, ceux des cercles littéraires et politiques, s'empressent devant l'objectif de Nadar. Nous sommes fermés, c'est dimanche. Repassez demain. C'est fini, oui. Nous sommes fermés. Même pour moi ? Ça, par exemple. Baudelaire. Bonjour, Nadar. Mais entre. Qu'est-ce qui t'amène par ici à l'heure de la messe ? Je rentrais me coucher après une nuit de débauche. Je te reconnais bien, là. Sous l'effet de certaines substances, je me croyais perdu quand, tout d'un coup, un éclair a traversé les cieux me montrant le chemin à suivre. Un éclair ? Avec ce soleil ? Un éclair rouge, vibrant, géant. Tu m'as eu. Mon enseigne ? Une enseigne ? Cette zébrure rouge sang, gigantesque, vive comme un cheval au galop ? Que veux-tu ? J'ai énormément investi dans cet atelier et je tiens à ce que tout Paris sache que le véritable Nadar, c'est ici. Sur 3 étages. Le temple de la photographie. Je ne pensais jamais t'y voir. Avec ce que tu racontes partout sur la photographie qui n'atteint pas la hauteur de l'art. C'est ça. Provoque-moi et je repars. Mais non. Viens, je te fais visiter. Dis donc, tu aimes vraiment le rouge. Tout est empourpré du sol au plafond. C'est ma couleur. Alors voilà. Ici, tu es dans la salle d'exposition où je présente mes caricatures, les peintures, les autographes des amis et mes travaux récents ou plus anciens. Ah, le fameux portrait dont Dumas est si fier. Il te l'a dit ? Oui. Et là ? Mais ce portrait, c'est Gérard de Nerval. Oh, ce regard, il me transperce. L'ami de toujours. Un des seuls portraits faits avec mon frère que je garde. Il m'est très cher. Il est surtout terrible. Poignant. On y retrouve toute sa bonté et sa douceur. Le pauvre. Je l'ai fait quelques jours avant son suicide. Voilà l'encouragement qui me manquait. Tu provoques la mort en volant les visages. Aurais-tu peur ? On continue la visite ? Non. Là, derrière, tu as le grand jardin avec ma petite ménagerie. C'est là que j'officie, à la lumière naturelle. Là-haut, les chambres de développement, mon bureau, et sous les toits, la grande verrière pour les jours de pluie. Bon alors, on le fait ce portrait ? Ben, tout de suite si tu veux. Mais tu l'auras compris, chez moi ce ne sont pas des petites séances courtes et pareilles pour tous, comme chez mes confrères. Oui, Dumas me l'a dit. D'autant que sans mes assistants... Allons, Nadar, vas-y, prends le temps qu'il faut... Et quand l'aurai-je, le résultat ? Demain. Si vite ? Maison Nadar oblige. Nadar ? Pourquoi cet air catastrophé ? Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais entre donc, qu'est-ce qui t'arrive ? Ton portrait. Oui ? Qu'y a-t-il ? Vas-y, donne-le-moi. Il faut que je te dise. On va le recommencer. Tu vas revenir aujourd'hui même à l'atelier. Mais pourquoi ? Allons, c'est ridicule. Lâche-le. Mais qu'y a-t-il ? Mon âme noire serait-elle apparue sur le négatif ? C'est la première fois que cela m'arrive. Voyons voir. Oh. C'est... Flou. Je sais. Flou. C'est impardonnable. J'ai raté un portrait auquel je tenais tant. Mais tu es cinglé. Cinglé ? Il est magnifique. Magnifique, mais non. Tu ne vois pas. La moitié de ta figure est floue, tremblée. C'est justement ça qui me plaît. C'est un portrait exact, mais il a le flou du dessin. Tu as mis en valeur mon regard et, comme tu le sais, c'est le chemin vers l'âme. Je ne pouvais pas espérer meilleur portrait. Tu es unique, Nadar. Unique. Nadar ne renonce pas à vouloir récupérer son nom et à ne plus devoir le partager. Pour le procès en appel en 1857, il se prépare auprès de nombreux juristes. Mais ce qui ne devait être que le plaidoyer d'un homme dont on a usurpé l'identité devient la première apologie de la photographie artistique. Monsieur le juge, messieurs, la photographie est une découverte merveilleuse. Une science apparue il y a une vingtaine d'années et qui cherche encore ses mots. Un art qui aiguise les esprits les plus sages et dont l'application est à la portée du premier des imbéciles. Cet art prodigieux qui de rien fait quelque chose est exercé chaque jour, dans chaque maison, par le premier venu et le dernier aussi, car la théorie photographique peut s'apprendre en une heure. Ce qui ne s'apprend pas, en revanche, c'est le sentiment de la lumière. C'est l'application artistique des effets produits par les jours divers et combinés. Ce qui s'apprend encore moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact qui vous met en communion avec le modèle, vous le fait juger et diriger vers ses habitudes, dans ses idées selon son caractère, et vous permet, non pas de donner au hasard une indifférente reproduction à la portée du premier venu, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. C'est le côté psychologique de la photographie. Voilà ce qui donne la valeur véritable aux œuvres photographiques, ce qui consacre pour chacun le droit de se réclamer de ses œuvres et de ne permettre à personne d'usurper le nom qui les signe. Félix gagne. La cour impériale ordonne que le nom Nadar soit supprimé des enseignes, cartes et prospectus de l'établissement d'Adrien. Il n'y a plus qu'un Nadar à Paris, enfin reconnu comme véritable photographe. Pourtant, on ne le croise plus guère dans son atelier du boulevard des Capucines. Il déserte le vaisseau. Rendre immortels les visages de ses compagnons semble avoir été sa seule raison de faire du portrait. La clientèle bourgeoise qui se presse à présent chez lui ne l'intéresse pas. La mode est au format de la carte de visite pour un portrait. On les tire par dizaines pour les distribuer à la famille, aux amis. Ce passage au minuscule supprime la ressemblance intime. Quel intérêt alors de continuer ? Autant aller vers d'autres défis. La lumière, tout est dans la lumière. Voyons ce que donnent ces flashs à la poudre de magnésium. Oula ! Dangereux. Et comment faire coïncider l'éclair avec l'ouverture de l'obturateur ? On doit pouvoir travailler à la lumière artificielle, ne plus être l'esclave du soleil. Il faudrait que je frappe fort. Mais photographier quoi ? Le plus sombre ? De nuit ? Volet fermé ? Non, plus percutant. Faire un reportage qui marque les esprits. Ou trouver le sombre du sombre. On ne les trouve que dans les entrailles de Paris. Mais en voilà une idée. Rien de plus obscur. Les catacombes. Je vais photographier les catacombes. Et les égouts. Je suis très émue que vous m'ayez proposé de faire mon portrait. On m'avait dit que vous étiez passée à autre chose. Mademoiselle Sarah Bernard, vous me redonnez l'espace d'un moment, le goût du portrait. Je n'en fais plus guère, juste des exceptions de vieilles amies comme George Sand. Merci, je suis flattée. Vous découvrir hier soir à la Comédie Française m'a bouleversée. Votre voix, votre déclamation, une merveille. J'ai aussitôt eu envie de ce portrait. Ma voix ? Pour un portrait ? Il y a aussi la force de vos pantomimes et, disons-le, la belle émotion de votre visage. Vous rendez tout plus grand que nature. Comme vous, d'après ce que je vois accroché sur ce mur. C'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est ? Des tas d'ossements ? Des empilements de crânes ? Un reportage sur les catacombes. Mais il devait y faire très sombre. Je commence à maîtriser la lumière. Je vois. Alors, quelle pose allez-vous choisir ? Je vais revenir à mes débuts. Je voudrais un fond sobre, vos cheveux lâchés, et que l'on ne voit rien de vos vêtements modernes. Pourriez-vous vous envelopper dans un burnous ? Tenez, ils sont là. Le blanc ou le noir ? Le blanc et le noir. Je ferai deux portraits. Quel cadeau, mais pourquoi ? Parce que nous avons tous les deux la même devise. Quand même. Oui, quand même. Nous participons sagement en blanc à notre monde, mais nous avons l'audace du noir. Et où est l'audace dans ces photographies d'atelier ? Vous voulez connaître l'audace de mes nouveaux clichés ? Volontiers. Je suis très, très curieuse. Êtes-vous libre après cette séance ? C'est relâche. Vous n'avez pas peur de l'altitude ? L'altitude ? Vous voulez dire pour monter dans un clocher ou quelque chose d'approchant ? Non. Pour monter au ciel. En 1863, Nadar a fait construire un immense ballon surnommé le Géant. Haut de plus de 40 mètres, il supporte une nacelle pouvant contenir une douzaine de personnes et un petit laboratoire photographique. Alors ? Si je ne craignais pas pour ma voix, je hurlerais. De peur ? Peur ? Non, pas du tout, de plaisir, d'extase. Je suis dans le ciel, Nadar. Je vole ! Je vole ! Oh, Dieu ! Ça tourne ! Quelle sensation plus délicieuse que celle de se détacher de la terre. Hé, ne vous penchez pas tant. J'ai des ailes ! Des ailes ! Oh, merci ! Merci ! C'est drôle, toutes ces petites têtes qui nous regardent en bas. Allons, Sarah, ne tentez pas de... Regardez plutôt là-bas. On voit à des kilomètres à la ronde. C'est vous qui avez créé cet appareil ? Oui, et c'est devenu ma marotte. Cherchez, déposez des brevets. Il faut faire évoluer la photographie. Au début, tous mes négatifs étaient abîmés par les gaz de la toile. Mais à présent, j'obtiens de très belles photos. Et puis voler est devenu ma nouvelle passion. Je comprends. C'est angoissant et en même temps tellement enivrant cette puissance que cela donne. On est libre, calme, transporté par les immensités silencieuses de cet espace bienfaisant que nulle force humaine, nulle puissance du mal ne peut atteindre. Vous imaginez toutes les possibilités que cela ouvre ? Voir Paris par-dessus les toits, découvrir l'ensemble de la ville. Et la topographie, les reconnaissances militaires, et surtout une autre vision du monde. Voilà ce à quoi doivent aboutir mes deux passions, la photographie et l'aérostat. Voyager dans les airs et rapporter une autre vision du monde. En attendant, j'ai l'impression que le vent nous mène où bon lui semble. Justement, c'est tout l'objet de mes recherches. Réussir à me diriger. Nous sommes trop légers. J'ai idée que pour pouvoir être contrôlé, l'aérostat doit être plus dense, plus lourd que l'air. Oui. Et Dieu sait où nous allons arriver. Peu importe. Laissons-nous porter. C'est ce siècle qui veut ça. Regardez-moi. J'accomplissais un geste millénaire, le dessin, et voilà que par pure opportunité, sans trop vraiment y croire, je me mets à toucher à la photographie. Et ce qui ne devait être que de la technique devient de l'art. Quelle évolution! Et même vous! Moi? Quel progrès pourrait changer mon travail? Mes contemporains se souviendront de moi sur scène, et après, ce sera l'oubli? Non, du tout! Il y aura mes portraits, et plus encore. Quoi donc? Une nouvelle invention. Le phonogramme qui emprisonnera votre voix. Et les progrès apportés par l'électricité. La photographie aussi, qui pourrait rendre le mouvement. Vous riez. Je vous assure, mademoiselle Bernard, les limites du possible sont chaque jour repoussées. Rêvez, rêvez toujours plus grand. Vous êtes un drôle de bonhomme. Et votre rêve à vous, Nadar, vous l'avez réalisé? Oui. Quand j'ai vu mes premiers portraits apparaître sous la lumière rouge, vous comprenez? Capturer le spectre impalpable qui s'évanouit, sitôt aperçu, sans laisser une ombre au cristal du miroir. C'était magique. Mais il faut redescendre, quand même. Vous êtes prête? Oui, le théâtre m'attend. Les frères Nadar, aventuriers de la photographie de Jean-Benoît Patricot avec Félix Nadar, Swann de Marsan, Adrien Tournachon, Glenn Maros, Alexandre Dumas, Eddie Chignara, Charles Baudelaire, Éric Caruso, Sarah Bernard, Morgane Nero, bruitage Patrick Martinache, prise de son, montage et mixage Claire Levasseur et Lidouine Caron, assistant à la réalisation Félix Levaché, réalisation Pascal Deux. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur les nadars avec mon invité Stéphanie de Saint-Marc. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Et mère à loisir, et mère et mourir au pays qui te ressemble. Le soleil mouillé de ce ciel brouillé, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant au travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Décoreraient notre chambre les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'amant secret, sa douce langue natale. Sur ces canaux, dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons, la ville entière. Hyacinthe et Thor, le monde s'endort dans une chaude lumière. Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. L'invitation au voyage de François des Atlas Mountain et Juliette Armanet sur le poème, bien sûr, de Baudelaire, un titre choisi par Thierry Dupin. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique Anne-Laure Cochet. Stéphanie de Saint-Marc, quel personnage étonnant, incroyable que ce Félix Nadar. Il a inspiré un personnage même de Jules Verne, dans un roman de Jules Verne, qui était d'ailleurs son ami. Oui, absolument. Ils étaient très amis. Et ce personnage s'appelle d'ailleurs Michel Ardan, ce qui est l'anagramme de Nadar. Il y a une lettre de Verne à Nadar qui s'excuse gentiment d'avoir emprunté à Nadar son personnage, sa personne. C'est fou comme il a vécu donc pratiquement tout le 19e siècle et il pressent déjà l'arrivée du cinéma. Il va voir d'ailleurs les premiers avions, il verra ça avant de mourir. Oui, absolument. C'est vrai que Nadar, on peut dire, concentre en lui tout le 19e siècle, je trouve. C'est ses promesses, ses chaos aussi. Oui, c'est un homme très représentatif du 19e siècle et également par sa multiplicité, enfin. Et cette confiance dans le progrès. Oui. Ça laisse un peu songeur aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai, quand on voit, des écrits de Victor Hugo sur l'aviation, on voit qu'il y avait comme ça une croyance dans un avenir pacifique qui laisse un peu rêveur. Voilà, c'est un sentiment mélangé. En quoi les nadars ont-ils fait de la photographie un art? Pourquoi est-ce qu'on dit ça finalement? C'est l'aspect à la fois technique et l'aspect aussi plus psychologique. Alors, je crois que chacun a eu un peu sa démarche. Alors, moi, je suis plus à même de parler de Félix, mais c'est vrai que, justement, Adrien était peintre, il a sa propre technique. Félix, lui, vient de la caricature. Et c'est vrai que c'est pas un hasard s'il a peut-être excellé dans le domaine du portrait. Aussi bizarre que ça puisse sembler, la caricature, pour lui, a été l'antichambre de la photographie. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce regard porté sur la physionomie. D'ailleurs, il s'intéressait énormément au visage, aux formes du visage. Et voilà, chez lui, le portrait, c'est central, et il y avait cette facilité à échanger avec les autres, cet amour, cet intérêt pour ses semblables, aussi divers soit-il, parce qu'il avait des amis extrêmement variés. Et ça, on le retrouve dans son art du portrait, cette dimension en effet psychologique, que lui appelle morale, parce que c'est l'époque qui veut ça, mais c'est ça. Oui, c'est cette amitié qu'il a réussi à créer avec ses modèles. C'est assez sympathique. Et sa drôlerie aussi à lui, sa fantaisie quand il se met en scène. On a l'impression que la photographie à ce moment-là tient un peu de la boutique de fête foraine aussi, avec ses déguisements. Enfin, il y a quelque chose de qui n'est pas encore tout à fait défini, établi, que tout est possible. Oui, c'est, je pense que c'est très vrai, c'est très en germe. Enfin, je pense que c'est aussi ce qui l'a beaucoup touché dans sa première période, cette possibilité de tout tenter. C'est la photo se prêtait au jeu, et comme il avait un tempérament joueur, et bien ça tombait très bien. Donc il y a aussi la dimension technique, parce qu'ils ont énormément inventé, innové en matière de technique photographique. Je pense qu'il y avait cette même dimension de défrichage, enfin, dans le domaine de la technique que dans le domaine du jeu, mais je veux dire, il y avait cette même fraîcheur, tout était à inventer. Et en effet, voilà, il a été à l'origine de la photographie aérienne, ce qui était quand même, on a du mal à le percevoir aujourd'hui, mais ce qui est quand même un basculement du regard complet. Enfin, jamais jusqu'alors on avait eu d'images, enfin, donnant l'idée de ce que c'est que la Terre vue du ciel. Enfin, pour et ça aura des conséquences. Ça sera utilisé par l'armée, notamment, oui, évidemment. Oui, c'est ça. Et puis voilà, il a pris également des photos de Paris qui sont très belles, de la place de l'Étoile avec l'avenue Foch qui s'appelle l'avenue Bois de Boulogne. Et on voit toutes ces. Je précise que la présence de Sarah Bernhardt dans le ballon est plus fictionnelle que réelle, mais c'était difficile d'échapper à cette tentation. Donc la photographie, c'est un art, mais c'est aussi une aventure commerciale importante. Ce sont des marchands aussi de photos. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? moment avec la photo. Alors c'est vrai qu'entre les débuts de Nadar et je dirais les années 1860, il y a quand même un bouleversement assez important, c'est-à-dire que le nombre des studios de photos se démultiplie. Il n'y a pas que qui font des photos. Non, non. Et ça devient, si vous voulez, la concurrence devient de plus en plus rude. Donc c'est vrai que justement quand il ouvre la narration le raconte, c'est-à-dire que à partir de 1860, il a un plus grand atelier sur le boulevard des Capucines. C'est une grosse machine et il faut en effet, je dirais, produire pas mal. Et là, bien entendu, il a des assistants, il a des aides. Et là, ça devient vraiment un commerce et une industrie. Donc le côté artisanal passe un peu à la trappe. Et en effet, il y a cette pratique des portraits cartes de visite qui sont des toutes petites images qui n'ont pas énormément de charme, mais enfin qui disent aussi quelque chose de l'époque, c'est-à-dire qu'on distribuait son image, son portrait, comme aujourd'hui on distribue ses cartes de visite. C'est une aventure individuelle, mais c'est une aventure familiale aussi. Hein. Les Nadar, c'est une marque, et Paul va prendre la relève, Paul, le fils de Félix, va prendre la relève, et là aussi il y aura des soucis, des rivalités entre le père, le fils. Une sorte de répétition très très curieuse dans les relations de Félix avec son fils Paul, qui est d'effet de miroir avec ce qui s'est passé avec son frère Adrien. Donc ce qui est certain, c'est que Félix supportait assez mal que et son frère et son fils par la suite lui fassent de l'ombre, même si en même temps il était très paradoxal parce qu'il les attirait en même temps vers lui. Donc il y a quelque chose de très complexe et de très paradoxal dans ses relations avec ces deux hommes. Donc la photographie, c'est un art, c'est une industrie, et ça a aussi été utilisé pour des fins qui sont pas toujours très, qui peuvent être un peu contestables. On voit des photos dans l'exposition qui est actuellement à la BnF. On voit des photos, par exemple, chez un neurologue, de patients qui sont soumis à des impulsions électriques pour étudier les expressions du visage. Bon, ça a un petit peu un côté torture. Également la photo d'un hermaphrodite, demande un professeur de médecine. La photographie, ça peut donner le meilleur et le pire. Oui, alors ces photos dont vous parlez, c'est des visées documentaires, des visées scientifiques et documentaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les photos de l'hermaphrodite en particulier sont, je les trouve extrêmement gênantes, mais c'est en effet, il y a quelque chose d'une espèce de neutralité. On a l'impression qu'on peut tout montrer. Il y a une sorte de légitimité quand vous avez cet appareil entre les mains, ça vous donne un peu. On a l'impression que ça vous donne un peu beaucoup de droits et la possibilité finalement de retenir. De capter comme ça des images extrêmement diverses pour documenter. Cette dimension documentaire qu'on connaît toujours aujourd'hui dans la photo d'ailleurs. L'entreprise Nadar va s'arrêter en 1939 à la mort de Paul avec la Seconde Guerre mondiale. Fin. Il n'y a plus de descendants. Paul a une fille et puis elle-même n'a pas d'enfant. Donc en effet, l'entreprise Nadar s'éteint à ce moment-là. Merci beaucoup Stéphanie de Saint-Marc. Votre biographie de Félix Nadar est disponible chez Gallimard. À voir également le documentaire que vous avez coécrit avec Michel Dominici, Nadar, le premier des photographes. Et si vous n'avez pas encore vu, courez voir l'exposition passionnante consacrée au Nadar par la BnF François Mitterrand dans le 13e arrondissement de Paris. Les Nadar, une légende photographique. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à dimanche prochain, 3 février. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, après le tourbillon Nadar, je vous entraînerai dans un autre tourbillon à la fin du XVIIIe siècle. Beaumarchais, autre touche-à-tout génial, l'auteur du Barbier de Séville et du Mariage de Figaro, qui 15 ans avant la Révolution française se mobilisa en faveur de la liberté et du droit des auteurs dramatiques. Beaumarchais, la révolte des auteurs, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais bien sûr, après le flash, c'est Edouard Baird qui vous attend, lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.